J'suis dans sa schneck, j'suis dans sa friend zone. Tu l'as jamais tiré sauf au paintball. Mon émotique n'a jamais s'enjoy. Pote pêche à l'ancienne, on signe jaune. Noir vie deviendra peut-être rose. Oti deviendra peut-être mauve. La défoncée pour prendre la petite dose. Tant qu'on t'a vu, ne voit pas grand chose. Marque de vêtements, j'ne bien baiser. Comme à l'hosto, j'ai les heures de baiser. C'est la java dans la goba. La pute est beau, donc c'est comme Rachida. Africain, jamais j'oublierai. Renoir singe comme Toubira. J'ai qu'un seul amour, même à l'aube. Je veux plus te voir comme la chatte à Turner à Fida. Ouais. Dans la schneck, je ne sens même plus le clan. Je suis à sec, pourquoi tu me suces autant? Je démarre pas, je reste calé. Les narcas, je les mitraille. Dana ne sera pas la vallée. A chaque nouveau son, je crée des nouveaux paliers. Ouais. A chaque nouveau son, je crée des nouveaux paliers. Là-bas, si j'y suis, jamais ça va aller. S'il n'y a pas des suites à Chougou, c'est pareil. Gramme et kilogramme, je ne fais que inhaler. Salam, appelle dans Bruxelles, vie à jamais. Ouais. Sperme dans les yeux, l'amour, la tête aveugle. J'fais que du lourd, je ne viens plus à la peser. Comme Aznavour, j'serai dans le game jusqu'à crever. Dans le crew, tout le monde sait, c'est vite à tout est en barbelé. J'suis dans la goba. J'suis dans la goba. Regarde par là, bientôt il y sera. J'suis dans la goba. J'm'en vais là-bas, loin des ceci, cela. Je ne fais que de la natation. Danse avec moi, je ne sais faire que des tractions. Je suis africain, peu importe la nation. Dis-toi barman que je n'ai pas besoin de glaçons. Micro bas de gamme, mais ce n'est pas d'occasion. Pas quoi rabat, nous leur des salutations.